Lettre 55e. L'opéra, ses anciens privilèges. On s'y ennuie et on y va pourtant. La musique, la danse et les décorations, la juive, musique nationale, musicien ambulant. Puis-je mieux tenir la promesse que je vous ai faite hier qu'en consacrant cette lettre au grand opéra? Y a-t-il rien au monde qui soit aussi parfaitement français que cela? On peut trouver autre part quelque chose qui ressemble au joli opéra comique. Nous en avons eu nous-mêmes, et l'Italie a ses bouffes. L'opéra italien de Paris trouve un rival dans notre Haymarket. Mais si nous sortons de Paris, où trouverons-nous rien à comparer à l'Académie royale de musique, au grand opéra, à l'opéra par excellence? Je crois pouvoir hardiment répondre nulle part. C'est une institution dont les frais sont si énormes que bien que la salle soit constamment remplie, et attire plus de monde peut-être qu'aucun autre théâtre de l'Europe, il lui serait impossible de se soutenir sans l'aide du gouvernement. La prédilection extraordinaire des Français pour ce spectacle paraît avoir existé sans aucune interruption dans la haute société, en dépit des changements de la mode ou de la faiblesse momentanée des exécutants, depuis Louis XIV jusqu'aujourd'hui. Cet immortel monarque, dont la parole remplaçait la loi, commença par accorder à l'abbé Perrin le privilège de cet établissement, mais ne tarda pas à le lui enlever pour le transférer avec plus d'extension encore à Lully. Dans ce dernier acte, il est dit que tout gentilhomme et demoiselle puisse chanter audites pièces et représentations de notre dite Académie royale, sans que pour cela il soit censé déroger aux dix titres de noblesse et à leurs privilèges. C'était là, il faut en convenir, un singulier moyen d'élever ce jouet chéri de la haute société au-dessus de tous les autres. Voltaire se laissa prendre au charme comme les autres, et voici comment il exprime les sentiments que lui inspire l'opéra. Il faut se rendre à ce palais magique, où les beaux vers, la danse, la musique, l'art de charmer les yeux par les couleurs, l'art plus heureux de séduire les cœurs, de sans plaisir font un plaisir unique. Mais la partie la plus incompréhensible de l'affaire, c'est qu'avec tout cet enthousiasme, qui va plutôt en augmentant qu'en diminuant, tout le monde déclare qu'il s'ennuie à la mort à l'opéra. Ce n'est pas l'ennui que je regarde comme incompréhensible. Le ciel m'est témoin que je le conçois fort bien. Mais comment, dès qu'on l'avoue, on peut continuer à se faire à soi-même le chagrin de s'y exposer volontairement deux ou trois fois par semaine? Si la fréquentation de l'opéra était, comme chez nous, une sorte de règle d'après laquelle on ferait juger de son goût pour la musique et les autres beaux-arts, cela serait bien moins difficile à comprendre. Mais il n'en est pas ainsi, car l'orchestre est beaucoup plus parfait, soit à l'opéra italien, soit à l'opéra comique. D'ailleurs, la manière de chanter au grand opéra ne paraîtra jamais supportable à aucun véritable amateur de musique. Lorsqu'en écoutant les récitatifs de l'Académie royale, on se sent tout à coup assailli par le souvenir des opéras italiens ou allemands, on éprouve une sensation d'impatience, dont ne saurait se faire une idée les personnes qui ne l'ont jamais ressentie. Si, cependant, ne se laissant pas séduire par le nom d'opéra, et renonçant à toute prétention d'entendre de bonne musique, on se rend à ce magnifique théâtre dans le but de voir les décorations les plus belles et les mieux ordonnées du monde, on ne sera du moins pas trompé dans son attente. Quoique, selon toute apparence, longtemps avant la fin de la représentation, on doive se sentir fatigué à l'excès de contempler et d'admirer ce brillant spectacle. Je viens de citer ce que Voltaire a dit de l'opéra, dans un moment où il voulait montrer particulièrement à la mode, ou bien quand il fut amoureux de quelque chanteuse célèbre, Sophie Arnoux peut-être. C'est plus sérieusement, je pense, qu'il s'exprimait quand, quelques années après, il dit « L'opéra n'est qu'un rendez-vous public, où l'on se rassemble certains jours sans trop savoir pourquoi. C'est une maison où tout le monde va, quoi qu'on pense mal du maître et qu'il soit assez ennuyeux. » Cette petite phrase « où tout le monde va » contient, à ce que je soupçonne, la véritable solution de l'énigme. L'homme est un animal sociable, disent les philosophes, et c'est pour se conformer à cette loi bien connue de la nature que les personnes des deux sexes s'assemblent par milliers, en dépit de la plus triste musique et de l'atmosphère la plus étouffante, dans l'enceinte de cette belle lanterne magique. Quant à sa beauté, Je suis en ce moment plus que jamais disposé à en rendre témoignage, car nous venons de rassasier nos yeux du plus magnifique spectacle que jamais il soit entré dans la pensée des hommes d'étaler sur un théâtre. Ce superbe spectacle est connu sous le nom de la Juive, mais il devrait plutôt s'appeler le Cardinal, car une éminence en est plutôt le véritable héros. Monsieur Halévy en a composé la musique et Monsieur Scribe est l'auteur des paroles. Monsieur Scribe a une si haute réputation comme auteur dramatique qu'il peut, je pense, se jouer un peu de sa renommée sans courir le risque de se faire du tort. En attendant, comme l'Académie royale de musique est autorisée à fournir des traites sur le trésor pour subvenir à ses besoins, il faut espérer que l'auteur de Bertrand et Raton aura été bien payé pour avoir prêté son nom au porte-manteau auquel, pour l'amusement des curieux, on a suspendu l'hermine et le velours, la plume et les fleurs, les chapeaux de cardinal et les manteaux d'empereur dont cette pièce abonde. Je ne pense pas du reste qu'elle ait coûté de longues veilles au poète. Il se sera peut-être rappelé cette excellente maxime du barbier de Séville. Ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante. Parmi les paroles dignes, d'après cette règle, de se voir condamné à être mis en musique, je citerai les suivantes. « Fille chère, près d'un père, viens mourir. Il pardonne quand il donne la couronne du martyr. Plus de plainte. Vaine crainte est éteinte en mon cœur. Saint délire, Dieu m'inspire et j'expire vainqueur. » Mais par malheur, la musique est aussi nulle que les paroles. Il y a toutefois un passage singulièrement expressif et beau. C'est le chœur qui ouvre le second acte quand une société de juifs, rassemblés pour faire la Pâque, chante une prière en ces mots. « Ô Dieu de nos pères, toi qui nous éclaires, parmi nous descends, etc., etc. » Ceci est très beau, quoiqu'il offre peut-être trop de ressemblances avec le Dieu Israël du Joseph de Méhul pour que l'on en puisse louer l'originalité. Cependant, malgré tous ces points faibles qui prêtent tant à l'attaque, la Juive attire des milliers de spectateurs toutes les fois qu'on la représente. Avant de parvenir à la voir, nous avions à deux reprises vainement tenté de pénétrer dans la salle, et l'on nous avait assuré qu'il n'y avait pas même de place pour se tenir debout. Au nombre des attraits qu'offre cet opéra, il y en a deux, tout à fait nouveaux pour moi, sous ce rapport. L'un est l'exécution d'un Tédéum, et l'autre l'apparition des chevaux de Franconi. Mais après tout, il me paraît clair que quel qu'était dans l'origine le but de cette institution, avec ses écoles de musique et de danse, son patronage royal et sa prodigalité légale, aujourd'hui toute sa gloire repose sur les talents de la famille Taglioni et sur ceux des divers décorateurs qui ont imaginé et mis en scène ce modèle extraordinaire de magnificence théâtrale. J'ai vu bien des spectacles de ce genre à Londres, mais certainement rien qui puisse le moins du monde se comparer à celui-ci. Il y a bien quelques scènes détachées, telles par exemple que le bal masqué de Gustave, qui, pour l'effet du premier coup d'œil, valent celle de la Juive. Mais c'est la convenance extraordinaire et la perfection de tous les accessoires qui font que, dans cette pièce, la mise en scène est digne d'être étudiée profondément depuis le commencement et jusqu'à la fin. Je me rappelle d'avoir lu dans certaines histoires de Paris que l'on était si sévère sur le costume au grand opéra que le directeur, avant de jouer les trois sultanes, crut devoir faire demander des modèles à Constantinople. Il est évident que l'on a dû prendre les mêmes précautions avant de mettre sur le théâtre une partie considérable de la cour de Rome et la cour tout entière de l'empereur Sigismond. Mais malgré toute ma faiblesse féminine pour le velours, le satin, le drap d'or et l'hermine, je dois avouer que malgré leur importance réelle, ce ne sont là que des objets secondaires dans la magie des effets scéniques de la Juive. L'arrangement et la disposition des décorations étaient tout à fait nouvelles pour moi. Les coulisses ont disparu, et ce qui est plus important encore, ces admirables machinistes ont trouvé moyen de jeter en travers du théâtre ces masses d'ombres accidentelles à l'aide desquelles la nature produit ses plus brillants effets, de sorte que les yeux, au lieu de contempler l'éclat de la lumière réfléchie de la rampe, tempéré de temps à autre par le pâlissement du gaz quand on veut imiter la nuit, sont maintenant enchantés et séduits par le même mélange de lumière et d'ombre qu'un peintre s'est donné à un tableau. Quant à la manière dont cela se fait, je l'ignore complètement. Je suis sûr qu'il y a maintenant des choses au-dessus, au-dessous et autour du théâtre de l'opéra que la philosophie du charpentier pourrait seule expliquer. Dans la première scène de la Juive, une église majestueuse élève sa sombre façade au centre même du théâtre et jette d'un côté une ombre aussi belle, aussi riche, aussi noire que Notre-Dame elle-même le pourrait faire. Dans une autre scène, la moitié du théâtre paraît abaissée au-dessous du niveau de l'œil et disparaît complètement, un parapet peu élevé marquant les bords de la rivière. Notre loge était parfaitement située, et quoique peu éloignée du théâtre, nous eûmes beau chercher différents points de vue, il nous fut impossible de déterminer la fin des planches et le commencement des décorations. Nous ne pûmes pas non plus nous lasser d'admirer l'arrangement des groupes, non seulement quant aux combinaisons de grâce et de beauté, mais encore par leur variété. Ces groupes sont si hardis et si pittoresques que l'on pourrait croire que Murillo lui-même en a tracé l'esquisse. Si tout cela nous avait été montré en deux actes au lieu de cinq, nous serions rentrés chez nous dans l'enchantement et de l'humeur la plus gaie du monde. Mais cinq actes de lanterne magique sont trop. Aussi nous nous surprîmes bâillant et parlant de Grétry, de Méhul, de Niccolo et de je ne sais qui encore. En un mot, nous devînmes tristes et pesants à l'excès. Nous nous entretenions dans cette humeur peu aimable, en nous communiquant mutuellement nos pensées, quoique d'une voix si basse que nous ne pouvions point être entendus hors de notre loge, et que nous croyions être certains que la seule personne étrangère qui s'y trouvait avec nous ne comprenait point l'anglais. Mais en ceci nous nous trompions terriblement. Quoique en apparence français jusqu'au bout des ongles, nous ne tardâmes pas à découvrir qu'il parlait anglais aussi bien que nous, et il eut la politesse de nous le faire savoir avant que nous eussions professé des opinions qui sentissent par trop le John Bull. Mais ce qu'il y eut de plus heureux, c'est que nous fûmes parfaitement d'accord dans notre jugement. Il déplora la décadence de la musique dans le théâtre, qui aurait dû lui être spécialement consacrée, et parla avec enthousiasme du théâtre italien et de sa grande supériorité à cet égard sur tous les autres de Paris. Je regrette beaucoup qu'il soit fermé en ce moment, mais je me rappelle fort bien qu'il y a 7 ans, j'en jugeais absolument de même. Les Anglais et les Français sont en général mis sur la même classe, comme n'ayant point de musique nationale. Il y a cependant dans les deux pays des airs charmants, d'une grande originalité, et qui subsisteront aussi longtemps qu'il sera permis aux modulations du son d'enchanter les oreilles des hommes. Je ne prétends pas toutefois en appeler d'un arrêt trop souvent répété pour n'être pas reçu partout comme une vérité. Mais malgré cette absence d'une école distincte de musique nationale, on ne saurait douter que les peuples des deux pays ne soient attachés avec ardeur à cette science. L'un et l'autre font pour obtenir de bonne musique des sacrifices auxquels les heureux Allemands ou les Italiens ne songeraient jamais. Je crois aussi que l'on aurait tort de regarder la manière de chanter actuellement à l'Académie royale comme une preuve que l'on aime moins la musique en France qu'on ne le faisait. Les dépenses extraordinaires que l'on a faites pour les décorations et pour la pompe et la splendeur de la mise en scène suffiraient pour attirer et éblouir les yeux d'un peuple plus penseur encore que les Parisiens. Et la perfection sans exemple à laquelle le machiniste a trouvé moyen de porter l'illusion en ce qui regarde les objets inanimés peut bien permettre au directeur de se relâcher un peu sur les autres moyens de succès. Mais ceci ne durera pas. Le peuple français aime véritablement la musique et il en veut. Il est plus que probable que cette branche des travaux de l'Académie royale reprendra bientôt une nouvelle vie, et si avec cela elle conserve sa supériorité sous le rapport des décorations, elle redeviendra digne d'attirer un public éclairé. Je crois que les Français nous regardent comme encore plus dépourvu qu'eux de droits à passer pour des amateurs de musique. Mais quel que soit mon respect pour leur jugement sur des choses de ce genre, je ne suis nullement d'accord avec eux à cet égard. À quelle époque la France a-t-elle déployé, soit dans sa capitale, soit partout ailleurs, un élan aussi vif d'enthousiasme musical que celui qui a été produit par les solennités de l'abbaye de Westminster et de York? Ce n'était pas pour encourager une école de musique anglaise que furent faits ces grands efforts, et ce ne furent pas des accords nationaux qui retentirent sous ses voûtes. Mais ce fut le goût anglais, le sentiment anglais qui, aujourd'hui comme jadis, conçurent et exécutèrent un système d'harmonie plus parfait et plus sublime que rien de ce que j'ai entendu en aucun autre pays. Je ne crois pas non plus qu'il existe d'institutions musicales d'un goût aussi pur que nos concerts d'ancienne musique, quoique les compositions qui s'y exécutent ne soient qu'en partie anglaises. Le style et la manière le sont complètement, et je pense que toute personne qui aime véritablement et sincèrement la science doit sentir qu'elle offre un caractère qui, vu l'estime dont elle jouit depuis tant d'années, doit disculper la nation entière de l'accusation de manquer de goût musical. Il y a une branche de la gaie science, si je puis l'appeler ainsi, que je m'attends toujours à trouver en France, mais au sujet de laquelle j'ai toujours été jusqu'à présent désappointé. Je veux parler de l'humble classe des musiciens ambulants. En Allemagne, ils abondent, et il arrive souvent que leurs accords enchantent le cœur et l'oreille des amateurs les plus difficiles. Mais quand il m'arrive de rencontrer en France un troubadour ambulant, je n'éprouve jamais le désir de m'arrêter pour l'entendre. En attendant, je ne prétends pas dire que les Français aient rien à nous envier sous ce rapport. Si nous ne nous arrêtons pas pour écouter les ménestrels de France, nous nous empressons de nous sauver quand nos oreilles sont surprises par les nôtres. Et pourtant, nous donnons une bien forte preuve de notre goût pour la musique, dans les sons plus qu'ordinaires qui se font entendre le soir devant la porte des cafés de Londres. J'ai entendu dire que les orchestres d'harmonie qui parcourent la nuit les rues de Londres reçoivent en petite contribution une somme d'argent qui, au bout de l'année, aurait suffi pour soutenir un théâtre. Ceci ne peut provenir que d'une propension véritable à se laisser émouvoir par de doux sons. Car on ne suit pas en cela une mode comme on paye fort cher une loge à l'opéra. Rien n'est au contraire de plus mauvais ton que de s'arrêter devant cette musique qui n'en reçoit pas moins des encouragements, preuve bien évidente des sentiments du peuple. Ai-je prouvé à votre satisfaction, autant qu'à la mienne, que si nous n'avons pas de musique nationale, la nation ne manque pas du moins de goût pour la musique? Ainsi s'achève le tome 2e de Paris et les Parisiens en 1835 de Francis Trollope.